Les échanges scientifiques internationaux pour la paix et le développement se sont déroulés du 2 au 5 à Pyongyang à l'occasion du 70e anniversaire de la fondation de l'université Kim Il-sung sous les auspices communs du Comité national coréen pour la paix et du Fonds international pour la paix. À la cérémonie d'ouverture, on prit part la présidente du Comité national coréen pour la paix, Kim Jong-soo, présidente du Comité pour les relations culturelles avec l'étranger, les cadres, enseignants et étudiants de diverses universités, la délégation du Fonds international pour la paix, conduite par le prince Alfred de la principauté Liechtenstein, président du Conseil consultatif, les représentants diplomatiques de divers pays à Pyongyang et leurs collaborateurs, ainsi que les journalistes étrangers. Il y a eu les entretiens et les échanges scientifiques entre les enseignants et étudiants de l'université Kim Il-sung, de l'université de technologie Kim Tsek et de l'école supérieure des sciences techniques de Pyongyang et les membres de la délégation du Fonds international pour la paix dans les écoles précitées.